Kanyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Plus de 4 000 actionnaires ont déjà contribué à plus de 4 milliards de francs burundais pour la construction de l'ancien marché central de Bujumbura et ce sera par le groupe Ubaka Nation. Dans cette édition, on revient sur les inquiétudes des élus du peuple liées à la récupération par l'État burundais des fonds investis dans la collecte du maïs par la NAGESA. On parlera également des difficultés de transport en commun en province Bururi. Les passagers dénoncent une hausse excessive des prix suite au manque de carburant. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Eric Ouimane. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour débuter cette édition. Un travail en synergie et en coordination tout au long du cycle électoral sont quelques voies à suivre pour éviter les conflits électoraux qui peuvent s'observer pendant la période électorale. Point de vue de différents participants à l'atelier de sensibilisation sur les conflits électoraux organisé par la Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM ce lundi. Dans sa présentation, Dr Guillaume Ndaikengurutse, conférencier, a montré que si ces éléments ne sont pas respectés, les conséquences liées aux violations des droits de l'homme peuvent naître. Le point avec Jean-Marie Mayong. Dans cette réunion qui avait pour thème les conflits électoraux, un défi surmontable, les participants ont montré que si une fois les élections sont mal préparées, il y a problème. Léon Sengenda Kumana, un des participants, propose qu'il y ait dialogue entre les partis concernés dans la préparation des élections afin de prévenir ces conflits. Quand les élections sont mal organisées, quand les processus électoraux sont manipulés, quand il y a la fraude électorale, c'est ça qui cause le problème. Et c'est ce qui se passe ici chez nous régulièrement. Ce ne sont pas les élections qui causent le problème. Ce sont plutôt cette mauvaise préparation et cette mauvaise organisation qui cause cette fraude électorale qui cause des problèmes. Et il faudra alors que chaque intervenant, à partir des institutions du pays, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, la CENI, les partis politiques, la population elle-même, il faudra vraiment qu'on s'implique pour que ces élections 2025 réussissent. Pour Jérémy Nguenda Kumana, il faut que ceux qui se font élire sachent bien que les élections est une occasion d'élire ceux qui vont bien diriger le pays. Les conflits électoraux viennent d'une certaine logique où en fait les pays pauvres, l'accès au pouvoir donne des avantages. Les élections étant la voie autorisée pour accéder au pouvoir, chacun voudrait bien être au pouvoir. Est-ce que maintenant, la logique des élections de permettre à la population d'avoir des dirigeants compétents, des dirigeants engagés à faire avancer le pays, est-ce que c'est toujours cette logique-là? C'est peut-être là la grande question, mais nous devrions former notre population de manière à ce qu'elle comprenne que les élections sont pour la population une occasion, une opportunité de se choisir des dirigeants capables de faire avancer le pays. Une des participants a parlé d'un manque d'un fichier électoral qui est un grand défi pour la préparation des élections. Il a proposé qu'il y ait un système informatisé pour corriger ce défi sur la distribution des cartes nationales d'identité. À cette doléance, l'agent de la CENI a répondu qu'il faut utiliser l'ancienne carte en attendant la nouvelle qui est la carte biométrique. Le consultant Dr Guillaume Ndaikengurutse qui a fait l'étude a montré que les voies et moyens de surmonter ces conflits électoraux et le fait que les gens travaillent ensemble et faire la coordination tout au long du cycle électoral. Le Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine passée a décidé de permettre à l'organisation Ubaka Nation Group de commencer les travaux de la première phase de reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Le ministère des Infrastructures est chargé de négocier et signer un contrat relatif et pour le suivi régulier. Alors que le coût du projet est estimé à plus de 500 milliards de francs burundais, plus de 4 000 actionnaires ont déjà contribué à plus de 4 milliards de francs burundais et plus de 3 000 dollars depuis septembre de l'année dernière. C'est du moins le compte rendu du Conseil des ministres lu par Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. En date du 29 janvier 2025, Ubaka Nation Group a soumis au ministère le plan de développement du projet qui s'articule en cette phase de construction et qui s'enchaîneront avec un décalage allant de 6 mois à 1 année l'une après l'autre. Concernant la mobilisation des fonds, à ce jour, 4 983 actionnaires se sont déjà engagés à hauteur de 4 773 683 312 francs burundis et 345 466 dollars américains. Le coût global du projet est estimé à 571 690 588 780 francs burundis. À travers cette note, il est sollicité l'accord du gouvernement pour que, premièrement, les travaux se déroulent en phase au vu du rythme de la demande. Deuxièmement, que le contrat soit négocié et signé en vue de permettre à Ubaka Nation Group de commencer les travaux de la première phase dès le 1er mars 2025. Troisièmement, qu'un délai de 12 mois soit accordé à Ubaka Nation Group afin de lui permettre de mobiliser les fonds pour les phases restantes. Le Conseil des ministres a donné le feu vert au ministère en charge des infrastructures pour négocier et signer la convention en vue de permettre à Ubaka Nation Group de commencer les travaux de la première phase avec la recommandation de procéder à un encadrement adéquat pour que le projet soit mené à bon port sans toutefois s'immiscer dans la gestion du projet. Une bonne gestion des terres de l'État est absolument recommandée pour éviter toute spoliation. Et des habitants de la capitale économique Bujumbura disent avoir bien accueilli cette décision du Conseil des ministres. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters ce lundi demandent que les travaux de construction débutent le plus tôt possible parce que ce dernier, disent-ils, va générer des impôts et taxes au niveau de l'OBR et du travail pour les citoyens. Suivez ce micro baladeur. Babyakiriye neza ahubwo tubona ko byari byaratevye kuyo soko yari tunza abantu benshi. Nous avons bien accueilli cette décision. C'est même trop tard parce que le marché de Bujumbura était générateur de beaucoup de revenus et plusieurs familles y exerçaient. Après qu'il ait pris feu, il y a eu beaucoup de problèmes. Pour bien démarrer les activités, il faut que le matériel suffisant soit disponible et aussi un bon nombre de maçons et être à temps. Nous demandons à Ubaka Nation Group de vite démarrer les activités de construction de ce marché parce qu'il va générer des impôts et taxes et donner du travail au bon nombre de citoyens du fait qu'il y a beaucoup de chômeurs dans le pays. Je suis satisfait parce que c'est un bien public, un bien pour le développement de tout le monde. Ce qui est urgent en premier lieu pour construire, on commence par la fondation. Ce qui signifie que même le petit commerçant qui exerçait à l'entrée, en passant, on peut se procurer un petit article. Au moment de construire, il faudra songer à ce que l'endroit déjà terminé soit occupé tout en continuant les travaux de construction de l'autre partie restante. C'est une joie immense de revoir le marché central de Bujumbura. Ce que nous demandons à l'État, c'est de remettre les choses telles qu'elles étaient pour que les citoyens détenteurs des capitaux reprennent leurs activités et nous, le petit peuple, retrouve facilement nos petits jobs. Nous demandons à l'État de conjuguer les efforts parce qu'on va avoir de petits jobs qui relèvent de nos compétences. Des députés s'inquiètent par rapport aux moyens équivalents à 145 milliards de francs burundais investis par l'État pour la récolte du maïs à travers l'agence ANAGESSA. Certains estiment que ces moyens ne seront pas récupérés vu que ces stocks de graines de maïs pourrissent, comme d'ailleurs constaté par la commission chargée de l'agriculture à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport de cette commission en présence des ministres du commerce et celui de l'agriculture. Marie-Chantal Nijimbele, ministre du commerce, a semblé rassurer les élus du peuple quant aux pertes qui seraient occasionnées. Le point avec Claude Itangishak. La question de récupération d'une somme de 245 milliards de francs burundais utilisés dans la collecte du maïs par l'agence de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA, a retenu le député. Ils se sont basés notamment sur la quantité déjà pourrie. Suite aux mauvaises conservations, il y a des grains de maïs qui ont pourri. C'est une grande perte pour le pays. Comptant sur les 145 milliards injectés dans l'ANAGESA pour la collecte, on se demande, est-ce que nous allons récupérer cette somme? Il y a ceux qui pensent que ça ne fait rien si l'État connaît un déficit. Pourriez-vous nous donner l'espoir que le fonds va retourner dans le trésor public vu la quantité déjà pourrie? Mais je voudrais demander si l'objectif de collecter le maïs a été atteint. En réaction, la ministre du Commerce indique que le fonds injecté dans cette activité ne vise pas de bénéfices directement. Si vous dites qu'il y a eu de pertes, franchement, quand l'État débloque un fonds pour collecter le maïs, il faut savoir que l'État n'a pas besoin d'un bénéfice direct. Nous, nous voulons un bénéfice à travers la création d'emplois plus tôt. Les agriculteurs trouvent de l'argent pour s'autodévelopper et une fois développés, nous recevons des impôts et des taxes. Cependant, les députés recommandent une planification qui s'impose pour que la NAGESA ne travaille pas à perte. Les routes en bon état facilitent le trafic au moment où c'est en mauvais état. Le perturbe, une comparaison faite par les usagers des tronçons Gitega-Mwaro et Gitega-Ngozi, disent gagner du temps après que ces routes aient été réhabilitées. Le trajet qui leur coûtait une heure avant la réhabilitation est aujourd'hui réduit à 45 minutes. Quant aux usagers de la route Gitega-Rutana, non encore réhabilitée, s'inquiètent des nids de poules dans le tronçon Gitega-Makebuko et demandent sa réhabilitation. En réaction, Venant Manirambona, gouverneur de la province Gitega, reconnaît ses difficultés et appelle les autorités habilitées à bien orienter le budget y allouer. Le point avec Omer Ndouayo. Pour différencier les bienfaits et les défis des bonnes et mauvaises routes, ces usagers se réfèrent sur le temps qu'il leur faut lors de leur trajet. Ils apprécient qu'il y aille en léger mieux depuis que les routes Gitega-Mwaro et Gitega-Ngozi sont réhabilitées. Avant la réhabilitation de cette route, les malfaiteurs pillaient les biens des passagers dans les couées en bas. Mais aujourd'hui, ça passe bien. Avant qu'il ne soit réhabilité, nous qui pratiquons le commerce des bouteilles faisions face aux grandes pertes suite aux cassures causées par le mauvais état de cette route. Mais pour le moment, ça va bien. De l'autre côté, les usagers de la route Gitega-Rutana réclament la réhabilitation du tronçon Gitega-Makebuko en situation de nid de poule qui leur cause des accidents. On n'a pas encore réhabiliter le tronçon Gitega Centre et Makebuko. Les nids de poules peuvent causer des accidents. Pour le trajet qui nous prendrait 5 minutes si la route était bonne, nous prend aujourd'hui à peu près 7 minutes. Vaudrait mieux réhabiliter ce tronçon. L'administration provinciale salue les travaux de réhabilitation déjà menés. Toutefois, le gouverneur Venant Manirambona appelle les autorités habilitées à remettre en état le tronçon Gitega-Makebuko en mauvais état. Avant, c'était très pénible de pouvoir se déplacer de la province vers une autre. Souvenez-vous, dans les années passées, quitter Gitega pour aller à Ngozi, pour aller à Moyinga, pour aller même à Mwaro. C'était très pénible puisque, au lieu de faire une heure, on faisait voire même 4 heures. Mais pour le moment, nous voyons que la province est liée à toutes les chefs-lieux de la province. D'ailleurs, nous avons l'espoir que même la RN7 qui relie la province de Gitega, la province Boruli, et les activités vont bon train. Donc la capitale est politique et connectée à d'autres provinces. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont en train de boucher certains nids de poules. Nous demanderions à ce que, si les fonds le permettent, il faut que les activités avancent et se terminent le plus rapidement possible. Comme ça, ça serait très facile pour se déplacer vers Rutana. C'est là où il y avait un petit problème, vers Luigi. Si les activités avancer, avance, arrive au bout. Ça serait très facile de pouvoir se déplacer. Ce gouverneur affirme que les routes en bon état interviennent dans le développement de la population et celui de la province. Rendons-nous cette fois-ci en province de Bururi pour parler des grognes des passagers en provenance du chef-lieu de cette province du sud du pays suite à la hausse des prix du ticket de transport, à une hausse qu'il qualifie d'excessive. Les conducteurs de véhicules de transport en commun parlent de problèmes de carburant de Bururi à Rumonge sur un trajet ne dépassant pas 30 km où normalement ils payent 6 000 francs burundais avant la pénurie du carburant. Ils payent aujourd'hui 15 000 francs burundais, une information que nous devons à notre correspondant Zenon Nzambiman. De Bururi à Rumonge, les conducteurs des véhicules assurant le transport en commun exigent une somme de 15 000 francs burundais ou même plus. De Bururi à Matana, une somme de 10 000 francs burundais ou même plus selon leurs clients. C'est au moment où le prix de ticket de transport pour tous ces trajets ne devait pas dépasser une somme de 6 000 francs burundais fixée par le ministère ayant le commerce d'enseignes d'attribution. Selon les mêmes sources, les passagers usagers de la route Bururi-Rumonge grognent en disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés de payer 15 000 francs burundais sur un trajet ne dépassant pas 30 km, alors que de Rumonge à Bujumbura, sur une distance de plus de 70 km, le ticket de transport ne dépasse pas 10 000 francs burundais. Certains des chauffeurs avec qui nous sommes entretenus expliquent que leurs véhicules de type Plobox n'ont pas la même capacité de transport que les véhicules de type Quaster œuvrant sur la route Rumonge-Bujumbura, qui peuvent même transporter certains plus de 20 personnes, d'autres plus de 30 personnes, alors que ceux de type Plobox ne dépassent pas 4 personnes, raison pour laquelle ils sont obligés de revoir à la hausse son prix de ticket de transport, surtout pour récupérer l'argent utilisé dans l'achat du carburant au marché noir où un litre et demi d'essence s'achète à un prix variant entre 23 000 et 25 000 francs burundais. Ces conducteurs de véhicules assurant le transport en commun de même que leurs clients trouvent que la solution durable est que le carburant soit disponible aux différentes stations. Depuis Bururi, Zenon Zabimar pour la radio Isanganiro. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de nous avoir prêté oreille attentive et très bonne suite de nos programmes.